Donc, on est présentement avec Dominique Arsenault, professeur. En fait, peux-tu te présenter parce que tu as une liste de choses après ton nom que je ne veux pas en manquer une. Oui, c'est assez long. Bonjour, ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Je suis professeur agrégé au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques à l'Université de Montréal. C'est un département qui comprend deux sections, une section histoire de l'art et une section cinéma et jeux vidéo. Donc moi, je suis dans la section cinéma et jeux vidéo parce que ma spécialité, c'est le jeu vidéo et en même temps un peu aussi le cinéma. Je suis aussi créateur, donc je fais de la musique qu'on dit chip metal. C'est un mélange de chip tune et de heavy metal, donc qui mélange les sons des jeux vidéo rétro et la musique metal dans mon projet solo qui s'appelle Multi Memory Controller. Et donc je suis membre de l'OICRM, qui est l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique. Et mon affiliation de recherche principale, c'est au LUDOV, le Laboratoire universitaire de documentation et d'observation vidéoludique. Et t'enseignes aussi où t'as déjà fait de la scénarisation de jeux vidéo, si je me trompe pas. Ouais, j'ai commencé en fait pendant tout de suite en terminant mes études en scénarisation à l'UQAM, je me suis fait recruter par une entreprise de jeux vidéo, mais c'était il y a longtemps, là, c'était en 2002. Donc c'était une entreprise indépendante, mais on parlait pas vraiment de ça encore. L'industrie était pas encore structurée comme ça. Donc j'ai travaillé à la scénarisation d'un jeu vidéo qui n'est pas sorti finalement. Et puis donc je me suis spécialisé sur la question de la narration puis de la scénarisation pour mon mémoire de maîtrise et éventuellement sur ma thèse de doctorat. Puis là j'enseigne donc la scénarisation de jeux vidéo et le cinéma d'animation et un séminaire de recherche sur les questions de narration, que ce soit à la télé, en littérature, en jeux vidéo, au cinéma et ainsi de suite. Les études vidéoludiques, c'est ça le bon terme? Oui, les études vidéoludiques, oui, ou les études sur le jeu vidéo, c'est correct aussi. En anglais, c'est Game Studies. En français, c'est un peu, le terme est un petit peu plus pointu. C'est quelque chose de relativement nouveau. Oui. Études du jeu vidéo, Game Studies en anglais, apparaît vers la fin des années 90. Espen Aarseth, qui est un des grands chercheurs dans le domaine, nomme 2001 l'an 1 des Game Studies parce que c'est la fondation de la revue internationale, qui s'appelle Game Studies, d'ailleurs. Si on cherche sur Internet, c'est facile à trouver. Et puis, donc, les colloques internationaux qui ont commencé en 1997, 1999 et tout ça, ce sont... En fait, ça a vraiment explosé, là, le domaine des études du jeu vidéo. À l'Université de Montréal, c'est Bernard Perron, qui est professeur à mon département, Histoire de l'art et études cinématographiques, qui a été le premier puis un des pionniers au Québec et même au Canada à enseigner des cours puis des séminaires de maîtrise et de doctorat sur le jeu vidéo. Et il avait publié une des premières anthologies, là, un des premiers ouvrages collectifs avec des chapitres de plusieurs chercheurs universitaires qui s'appelait The Video Game Theory Reader en 2003. Quand on parle de Game Studies, on s'imagine des jeux vidéo comme des objets culturels, puis que ça a une valeur à être étudié. Ben, bien sûr, toi, tu vas répondre par l'affirmative que oui, ça a une valeur à être étudié, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer généralement des jeux vidéo comme études? Ouais, c'est une très bonne question parce que oui, c'est pas surprenant. Je vais dire que les jeux vidéo c'est important, c'est pertinent et tout ça. Mais c'est vraiment les game studies, ça touche tous les domaines disciplinaires. Et puis, en fait, ça peut toucher tous les domaines disciplinaires. Le Video Game Theory Reader a été suivi par un deuxième volume qui s'appelle The Video Game Theory Reader 2. Et dans le Video Game Theory Reader 2, qui est coédité par Bernard Perron et Mark G.P. Wolfe, il y a une annexe à la fin qui est une liste des disciplines et qu'est-ce que signifie étudier le jeu vidéo dans ce domaine-là. Fait qu'il y a, je pense, 40 disciplines qui sont nommées, anthropologie, sociologie, médecine, t'sais, tous les domaines, psychologie évidemment. Bon, donc il y a toutes sortes d'études, t'sais, puis le jeu vidéo c'est un objet, fait que c'est sûr qu'un psychologue qui étudie les effets des jeux vidéo sur l'attention, sur le niveau de travail cognitif sur, bon, etc. Il va faire des protocoles expérimentaux, des laboratoires, des tests sur des gens, hein, puis tout ça. Moi, dans mon approche à moi, puis celle de mes collègues, on est plutôt issus des études cinématographiques ou des études littéraires. Donc, c'est sûr que nous, on les regarde comme des objets culturels qui sont porteurs de valeurs et qui traduisent des visions du monde. Puis c'est pas juste un petit divertissement pour passer le temps, comme les séries télé sont pas que des divertissements pour passer le temps, entre guillemets, là. C'est vraiment des objets qui sont porteurs de valeur, qui nous amènent à avoir un regard sur notre monde et qui peuvent nous apprendre des choses sur le monde qui nous entoure, mais aussi sur nous-mêmes. Hein, dis-moi comment tu joues, je te dirai qui tu es. Oui, c'est ça. C'est souvent quelque chose qui est exprimé par les gens qui ont étudié dans le domaine des arts, que en réponse à moi, je fais juste ça pour me divertir, pour arrêter de penser. c'est que c'est pas parce que quelque chose n'a pas nécessairement un message explicite qu'il n'en véhicule pas un de manière implicite, parce qu'un objet va parler de son contexte. Dans quel contexte il a été produit. Fait que ça peut nous en dire sur la société qui l'a produit. Oui, si on prend les objets un par un, si on prend des jeux vidéo particuliers, à chaque fois, il y a un système de valeurs qui le sous-tend. Il y a des comportements qui l'encouragent par les règles de jeu, par les manipulations qu'on peut faire. Puis même si on prend le jeu vidéo en général comme média ou comme forme culturelle, c'est aussi porteur de valeurs. Une des valeurs peut-être, ou échelle de valeurs, système de valeurs, idéologie la plus forte qui est véhiculée par le jeu vidéo dans son ensemble, c'est la notion de méritocratie. L'idée que si tu travailles assez fort, tu vas arriver, tu vas gagner ton XP, tu vas monter de niveau, tu vas ramasser ton trésor, tu es le héros de l'histoire, tout tourne autour de toi. C'est un idéal qu'il faut déconstruire, parce qu'évidemment, si on grandit en jouant à jeu après jeu, dans lequel tous les efforts t'amènent un résultat puis une récompense, ben après, tu peux pas transposer ça dans le monde du travail, où tu peux avoir des dynamiques interpersonnelles, ou des patrons d'entreprise qui ont des amis, puis donnent les postes puis les promotions à leurs amis, puis peu importe comment tu fais des efforts, tu l'auras pas parce que tu y as pas droit, parce que le monde n'est pas structuré comme un jeu vidéo, tu sais. Fait que, ouais, il y a toutes sortes de phénomènes qu'on peut étudier, effectivement. Ah, c'est tellement fascinant. Donc, on est ici pour parler d'un bouquin que tu as écrit dans le contexte des Video Game Studies, qui s'appelle... Le titre est long. Superpower, Spoonie Boards and Silverware. Exactement, puis là, deux points. Et après, The Super Nintendo Entertainment System. C'est vrai. C'est important, c'est un livre qui parle de la Super Nintendo, la console des années 90. Oui, c'est ça, parce que c'est écrit dans le contexte des... Ils appellent ça des System Studies ou... C'est une collection qui s'appelle les Platform Studies. Platform Studies, ouais, de MIT. Oui, c'est publié à la presse de MIT, le MIT Press. Puis c'est une collection qui a été lancée par Nick Monfort et Yann Bogost, qui sont deux chercheurs en études du jeu vidéo. Et eux, ils ont écrit le premier livre de la série, puis ils ont dit, nous autres, on part une série. Fait qu'on commence avec un livre qui s'appelle Racing the Beam sur le Atari 2600, la vieille console des années 70 cette fois-ci. Et donc, ils ont un livre où est-ce qu'ils étudient, dans le fond, la plateforme. Mais qu'est-ce que c'est une plateforme? C'est un système logiciel, c'est du hardware, du matériel. Et puis, c'est l'idée que la console, c'est une plateforme de développement. Donc, elle permet certaines choses, puis elle freine d'autres choses. Et donc, c'est un espace d'expression, puis c'est des outils dans lesquels les concepteurs de jeux peuvent s'exprimer, ou du moins exprimer une certaine palette de leurs préoccupations, de leurs idées, de leurs ambitions. Fait que l'idée des Platform Studies, c'est essentiellement ça, qu'on peut étudier une plateforme, puis en tirer des leçons, puis des enseignements, puis des règles générales, peut-être, sur comment est-ce qu'on négocie à travers des plateformes, et qu'est-ce que chaque plateforme apporte de différent. Parce que les consoles de jeux ne sont pas interchangeables et ou équivalentes. Chacune offre un espace d'expression différent. Et j'espère que, comme on va le voir au courant de l'entrevue, c'est aussi des représentations matérielles de l'idéologie des compagnies qui l'ont faite. Qu'en fait, qui font les systèmes particuliers. Oui, effectivement. Moi, ma contribution, si je peux dire, l'idée des Platform Studies, c'est quelque chose qui est arrivé au départ avec l'idée qu'on va se recentrer vraiment sur le niveau technique puis la machine. Parce que beaucoup de sociologues, par exemple, qui vont étudier le jeu vidéo, ils vont étudier les gens qui les jouent, les dynamiques sociales, les pratiques des joueurs, et ainsi de suite. Et ces gens-là vont porter moins d'attention sur les objets eux-mêmes. Hein. Ils vont regarder plutôt comment les gens jouent, puis qu'est-ce qui se passe quand les gens jouent en termes de comportements sociaux et tout ça. Fait que ces chercheurs-là, ils se sont dit, tout ça c'est valide, c'est correct, mais ça serait bien d'avoir des études vraiment centrées sur la matérialité du hardware, là, vraiment, là, comment les consoles permettent de faire des choses ou pas, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'ils ont lancé cette trajectoire-là. Puis ma contribution à moi, d'ailleurs c'est un peu rigolo, au départ je devais écrire un livre dans cette série-là sur la console NES. La NES, c'est la Nintendo Entertainment System, c'est la console qui précède la Super NES. Et puis donc j'avais un projet, et puis j'avais demandé une bourse de post-doctorat pour ce... Tout allait bien jusqu'à ce que, à un moment donné, je diplôme, puis que là, je sois prêt à mettre le projet en marche et que les éditeurs me disent « Non, on a reçu une autre proposition pour la NES. » Fait que il y a quelqu'un d'autre qui va écrire le livre. Fait que j'étais déprimé, découragé. J'étais comme « Ah, je me suis fait voler mon scoop! » Quand même, ça doit être une grosse déception quand même, là. C'était vraiment... Oui, c'est dur. Là. Tu sais, je veux dire, c'est un projet que j'avais imaginé. J'avais soumis une demande de financement au Fonds de recherche du Québec pour financer un tel projet. J'avais toute ma structure, toute mon idée. Je savais tout déjà ce que j'allais faire. Et puis finalement, un an plus tard, quand là, c'est le temps de passer à l'action, oups, finalement, je me suis fait damer le pion. Tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui a pris ma place. Et finalement, le résultat, c'est le livre « I Am Error » qui est publié par Nathan Altice, A-L-T-I-C-E. Et puis, c'est exceptionnel comme livre. C'est vraiment exceptionnel parce que Nathan Altice, c'est un double diplômé donc de computer science, là, vraiment informatique, et de linguistique japonaise. Donc, tu sais, là, je vois ton visage, là, les gens ne nous voient pas, là, mais je vois ton visage qui fait la face surprise, là. Mais c'est ça, tu sais, il y a la double spécialité parfaite pour tout décortiquer puis tout expliquer cette machine-là. Et c'est devenu un outil indispensable pour moi pour m'intéresser à la Super NES. Donc, à ce moment-là, je me suis retourné vers la Super NES, puis j'ai dit aux éditeurs de la collection, j'ai dit, ben écoutez, moi, je vous ferai une proposition pour un livre sur la Super NES, mais ça va être très différent, là. Tu sais, je veux pas... Puis ils m'ont dit ça, d'ailleurs, quand je leur ai envoyé ma proposition, ils m'ont dit, ce que j'aime de ta proposition, c'est que tu fais pas un livre en traitant la Super NES comme une deuxième NES, tu sais. Puis en disant, ben c'est à peu près, grosso modo, la même affaire, tu sais. Fait que c'est sûr que ça a changé beaucoup la trajectoire. Puis là, j'ai réfléchi à la plateforme, puis qu'est-ce que la Super NES, ça veut dire au niveau de la plateforme. Et je dirais que la contribution que j'apporte peut-être dans ce livre-là, c'est d'entrevoir les plateformes, non pas comme des objets essentiellement techniques, mais comme surtout des objets de marché, des objets économiques qui filtrent, puis qui sanctionnent, puis qui clôturent un marché et une proposition de nature économique. Et puis ça, ben bon, c'est pas toutes les plateformes qui régulent un système économique de la même façon, mais c'est une dimension très, très, très importante. Puis je pense que ça manquait un peu, en tout cas à ma perspective, là, ça manquait un peu des discussions qu'il y avait jusqu'à présent. Traiter les machines dans ce qu'ils permettent de faire au niveau de la programmation, du hardware, la vitesse d'affichage, le nombre de couleurs à l'écran, tout ça, c'est très bien, puis c'est important que les gens le fassent, mais il y a aussi la question de ça sert les intérêts d'une corporation qui veut segmenter un marché puis forcer des arrangements économiques. Et c'est là que la Super Nintendo, c'est là que la Super Nintendo révèle, dans le fond, tout son jeu, si je peux dire, tout son potentiel. Ouais, je pense que l'idée que tu avances dans le livre est relativement controversée. Je pense qu'elle est assez bien... Je ne veux pas utiliser le mot, là, mais « backé ». Bien argumenté, mettons. Oui, c'est ça. C'est assez bien argumenté. C'est difficile. En fait, c'est difficile de dire que ben non, voyons. Parce que t'as des arguments de base économiques avec l'idée des parts de marché, c'est comme des arguments objectifs. T'sais, c'est des preuves matérielles que tu avances. L'idée avancée ici, c'est que, en fait, la Super Nintendo, c'est pas la console d'une ère dorée que tout le monde se souvient de manière nostalgique. C'est en fait quelque chose d'autre. Ouais, c'est ça. T'sais, quand j'ai commencé à plancher sur la proposition, là, dans l'esprit des gamers qui étaient là à l'époque, la Super Nintendo, c'est un peu une des consoles chouchou. Comme tu dis, on met ça, on identifie un âge d'or, puis on dit ah, la Super Nintendo c'était l'âge d'or, il y avait des super bons jeux là-dessus, Final Fantasy, Zelda Link to the Past, Super Metroid, Teenage Mutant Ninja Turtles, là on nomme Super Mario World, on nomme tous les grands jeux des années 90, puis on dit que c'était une super console, la meilleure console de tous les temps. Elle sort régulièrement dans les palmarès des meilleures consoles de tous les temps, souvent en numéro 1 d'ailleurs. Et puis, tout ça, je comprends d'où ça vient, mais je voulais dire, oui, mais en fait, ce que la Super Nintendo pose comme question, c'est qu'est-ce que c'est une plateforme pour les différentes personnes, instances, groupes qui participent à l'écosystème du jeu vidéo? Parce que si c'était effectivement la meilleure console de tous les temps, puis un âge d'or, puis le lieu dans lequel Nintendo s'est illustré, s'est démarqué, puis a vraiment fourni les meilleurs jeux de tous les temps, comment expliquer que Nintendo part d'une domination complète du marché nord-américain et du marché japonais d'ailleurs, à l'époque de la NES, jusqu'à fin de la NES, la Super NES arrive, puis là, à la fin de la vie de la Super NES, Nintendo se retrouve marginalisé pour finir troisième derrière un nouvel entrant dans le marché, Sony, qui est arrivé avec la PlayStation, qui a tout raflé. Comment expliquer qu'on est parti du spot numéro 1 incontestable, puis qu'on se retrouve en numéro 3 derrière nos anciens concurrents, puis un nouveau venu? Il y avait quelque chose là qui s'expliquait pas simplement en disant que « Hey, Sony, ils sont arrivés avec une console PlayStation, il y avait des CD-ROM, c'était meilleur, fin. » Non, c'est pas suffisant. Là. C'est pas comme ça qu'on défend un empire. Donc, c'était une question que je me posais. Puis donc, l'argument que j'amène, c'est qu'en fait, la Super NES, ce que les gens apprécient de la Super NES, c'est les jeux qui sont offerts. Puis les jeux étaient d'excellente qualité, puis ils sont salués comme les meilleurs jeux de tous les temps. Mais paradoxalement, pour Nintendo, dans son écosystème à l'interne, en privé, derrière les portes closes du marché et du commerce, c'est une console dans laquelle son pouvoir s'est effrité tranquillement. Et donc, ça, c'était une suggestion de Nick Montfort, l'éditeur justement de la série Platform Studies. Après avoir lu la première version de mon manuscrit, il disait, tu sais quoi, quand je te lis, moi j'ai l'impression que l'époque de la Super NES, c'est comme un âge d'argent et non pas un âge d'or. Tu sais, on a l'âge d'or où est-ce que là, l'Empire prend toute son expansion, puis baigne dans la lumière divine, prospérité pour tout le monde, machin. Après ça, on a un âge d'argent où est-ce que là, c'est la tranquillité, les affaires suivent leur cours tranquillement, puis il n'y a pas de grands remous, puis de grands soulèvements. Tu sais. On fait juste voguer à la surface, puis les choses vont bien. Et puis là, c'est devenu la métaphore, dans le fond, qui se retrouve en partie dans le titre du livre, là, avec l'idée de silverware. C'est vraiment une métaphore productive là, qui m'est venue à l'esprit en pensant au matériel de la Super Nintendo, non pas comme du hardware, c'est-à-dire de la quincaillerie, mais comme une forme particulière de hardware que j'ai baptisé du silverware, c'est de l'argenterie. L'idée de l'argenterie, c'est que tu as des petites fourchettes fancy, des petites cuillères à café, différentes de la petite cuillère à thé, différentes de la cuillère à soupe, tout ça, puis c'est ornemental, c'est très beau, c'est pas plus fonctionnel nécessairement, puis ça demande beaucoup de compétences, là, ça te prend un domestique là, formé pour entretenir l'argent, pour le frotter, pour éliminer la patine, puis tout ça. Fait que ça cristallisait beaucoup des idées autour de la Super Nintendo, que c'est une console qui faisait en fait essentiellement la même chose que la console précédente, mais avec des graphismes plus beaux, avec des choses superficiellement plus belles, mais qui restaient très conservatrices. Et puis donc, la Super Nintendo, c'est pas un gros lieu d'innovation et tout ça, c'est un lieu dans lequel on raffine les formules. Quand on est un développeur de jeux vidéo qui a beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, puis qu'on peut investir beaucoup, bien là, on peut se payer la grande production, et on peut faire partie du club là, des gens qui faisons des grands jeux, des grands succès commerciaux. Mais que c'est vraiment une... Donc, c'est une console qui a sa part d'ombre, si je peux dire. Ouais, c'est ça. Quand t'en parles dans le livre, la manière dont c'est amené, c'est vraiment comme le hardware, la quincaillerie argentée. C'est vraiment une représentation de l'idéologie, de comme qu'est-ce qui a amené Nintendo idéologiquement à poser ceci comme représentation matérielle de elle-même dans la réalité. Pour vraiment bien comprendre ça, il faut revenir un peu au début, non seulement à la Nintendo, mais aussi au Atari. Parce que Atari explique vraiment bien le contexte dans lequel Nintendo a commencé à opérer dans le monde des jeux vidéo. Des jeux vidéo de maison, spécifiquement. Oui, tout à fait. C'est ça, tu sais. Quand tu lis la littérature économique sur le jeu vidéo, on dit que le jeu vidéo, c'est un écosystème dans lequel tu as un fabricant de consoles, le platform provider, celui qui fournit la plateforme. Le fabricant fabrique la console, il vend la console à perte et il va regagner son argent grâce aux jeux qui vont être vendus par la suite. Parce que si toi, tu veux faire un jeu vidéo pour l'Atari ou pour la NES ou peu importe, pour une console, ben faut que tu payes un frais au fabricant de la console. Donc, c'est ce qu'on appelle une royalty, là. Donc, tu payes ton frais, puis là, tu vends ton jeu, fait que toi, tu gagnes une part de ça, le marchand gagne une part, puis le fabricant de la machine gagne une part aussi. Et donc, tranquillement, on peut refaire l'argent sur le volume de jeux qui vont se vendre. Mais ça, c'est un modèle économique qui a une certaine réalité historique. C'est pas inévitable, c'est pas né avec les consoles, c'est pas toutes les consoles qui le font. Puis donc, j'ai voulu remettre ce système économique-là en contexte, dans le fond, pour expliquer quels sont les choix que chaque entreprise doit faire. Et donc, quand Atari se sont lancés dans le marché, Atari, en fait, ils fabriquaient des machines. Ils fabriquaient des bornes d'arcade, ils fabriquaient des machines domestiques, ils ont fabriqué une machine avec des cassettes interchangeables, puis ils se sont mis à fabriquer des cassettes pour leur machine, puis c'était tout. Le plan, c'était juste, on vend une machine, on fait de l'argent, on vend des cassettes, on fait encore plus d'argent, puis ça finit là. Éventuellement, il y a des gens qui étaient programmeurs chez Atari qui se sont dit, au lieu de travailler pour 30 000 $ par année pour Atari, puis qu'eux vendent mes cassettes pour 10 millions de profit, je vais partir, me former une entreprise avec mes trois amis, et puis à nous quatre, ensemble, on va faire des cassettes directement, puis on va les vendre. Fait que c'est la naissance d'Activision, le premier éditeur indépendant. Ce qui est drôle aujourd'hui, parce qu'Activision est vu comme la grosse corporation méchante, là. Mais bon, à l'époque, c'était vraiment la petite corporation nouvelle qui faisait concurrence au Grand Empire. Ouais, ça m'a quand même un peu surpris quand j'étais, parce qu'on connaît Activision comme étant, ce n'est plus maintenant, mais ça a été pendant un certain temps, Activision Blizzard, ils distribuent Call of Duty, une des plus grandes franchises de l'histoire récente. Là, c'est 3-4 gars dans un sous-sol qui font comme des jeux pour un Atari. Ben oui, tu sais, ben comme Electronic Arts d'ailleurs. Hein. Electronic Arts sont nés de la vision du créateur de l'entreprise qui disait, moi, mes programmeurs, c'est comme des artistes. C'est pour ça que Electronic Arts, tu sais, puis ils vont signer leurs jeux avec leur signature comme des albums de musique de Genesis ou quelque chose comme ça. Puis là, aujourd'hui, tu regardes Electronic Arts, ce que c'est devenu, puis c'est pas du tout ça, tu sais. Fait que c'est un peu ça que je voulais expliquer, puis toute cette dimension-là amène un des problèmes, je pense, quand on fait l'histoire du jeu vidéo. Il y en a plusieurs problèmes. Un des premiers problèmes, c'est qu'on a une vision très américano-centrée. Et puis donc, Atari, ce qui est arrivé à Atari, c'est on le voit souvent comme étant quelque chose d'incontournable pour l'industrie internationale du jeu vidéo. Mais en réalité, c'était assez localisé. Atari, ils ont perdu le contrôle sur leur offre. Tous les fabricants de jeux ont commencé à inonder le marché avec des jeux pourris. Et puis là, il y a eu tellement de jeux pas bons que les consommateurs savaient plus s'orienter dans l'écosystème et puis donc faisaient des choix désastreux. Les gens se sont désintéressés massivement du jeu vidéo à cette époque-là. Mais quand Nintendo était au Japon, ils avaient pas les problèmes d'Atari. Ils étaient dans un monde complètement différent où il y avait 10 plateformes concurrentes, il y avait plein de consoles, d'ordinateurs personnels qui étaient en circulation. Et Nintendo était excellent à faire des jeux. T'sais, contrairement à Atari qui fabriquait des machines, Nintendo était excellent pour faire des jeux. Et puis donc, pour faire des jeux, ben eux, ils avaient besoin d'une machine pour vendre leurs jeux. Et donc, ils ont fait une machine pour vendre leurs jeux. Fait que le positionnement de Nintendo est extrêmement différent du positionnement encore des entreprises contemporaines. Vous avez Microsoft qui fabrique puis qui distribue la Xbox, puis toutes ces déclinaisons avec tous les noms pas possibles. Vous avez Sony qui fabrique des PlayStation, mais ça, ce sont des entreprises qui vraiment fournissent des plateformes puis des consoles, mais en termes de jeux, c'est pas leur créneau principal. Eux fournissent la plateforme pour que des développeurs de jeux l'investissent. Nintendo, c'est pas ça leur game. Nintendo, ils vendent des jeux, ils veulent faire des jeux, ils sont excellents à faire des jeux. Donc, ils fabriquent la machine pour forcer les gens à acheter leurs jeux dans leur écosystème puis garder le contrôle là-dessus. Fait que c'est vraiment ça qui est devenu la trajectoire du livre, c'est de montrer comment Nintendo est une entreprise qui fait d'excellents jeux et qui a besoin de se doter de tous les outils possibles, tous les leviers possibles pour maintenir le contrôle total sur leur écosystème. Fait que leur positionnement est assez différent, puis c'est pour ça que le modèle économique de Nintendo que je déploie puis que j'explique dans le livre là avec toutes les explications qu'il se doit, c'est un modèle très très très différent de celui qui est pratiqué par Sony et Microsoft. Donc Nintendo a une expertise, c'est une compagnie qui vend des jouets. Une expertise dans les jouets, ils produisent des jeux. Ça leur donne un avantage déjà à la base. C'est pas nécessairement une compagnie technologique, mais c'est une compagnie qui s'est mis dans la technologie historiquement quand c'est devenu avantageux pour eux autres. Ce qui leur fait leur particularité, comme tu le mentionnes, c'est que ils vendent des jeux à partir de leur système. Puis ils ont gardé le monopole sur leur console, sur la NES, pendant longtemps. Absolument. Fait que là, dans le fond, pour ceux qui l'ignorent, premièrement, Nintendo a vu le jour en 1889. Donc 1889, c'est avant le cinématographe, en passant. Et puis donc, ils fabriquaient des cartes à jouer, ils ont fabriqué des jouets, ils ont fabriqué des jouets électroniques dans les années 60, puis éventuellement sont arrivés donc au Game & Watch, là, qui étaient des petits jeux électroniques à cristaux liquides portatifs. Et puis donc, sont arrivés aux consoles de jeux vidéo comme ça. Donc c'est sûr que eux, c'est une compagnie de divertissement, là, de entertainment. T'sais, c'est vraiment comme ça que leur ADN profonde est inscrite. Et puis, pour eux, donc, vendre les jeux, c'est l'activité principale. T'sais, ils sont pas là pour faire une machine pour que les développeurs de jeux fassent des jeux. Ils ont fini par s'ouvrir. Au départ, quand ils ont fait la NES au Japon, ça s'appelle la Famicom, pour Family Computer. Donc, quand ils ont fait la Famicom, au départ, c'était une plateforme fermée juste pour leurs jeux à eux. Puis là, les éditeurs de jeux disaient, ben là, c'est un ordinateur ou pas votre truc, là? Est-ce qu'on peut faire des jeux dessus? Ou t'sais? Puis là, ils ont fini par voir qu'ils n'étaient pas capables de fournir assez de jeux pour alimenter la machine. Donc, ils ont été obligés de s'ouvrir à des partenaires externes pour pouvoir répondre à la demande. Mais ils n'ont jamais voulu que la console devienne une espèce de terrain neutre pour que tous les fabricants de jeux, tous les développeurs de jeux mettent en marché leurs jeux à armes égales. T'sais, ça a toujours été, nous, on fait une plateforme pour nous. Pis si vous voulez venir dans notre terrain, c'est notre jardin. On a mis des grosses clôtures autour de notre jardin. Fait que si vous voulez venir dans notre jardin, on négocie, on discute, on met les choses au clair. Si tu veux faire un jeu chez nous, tu me donnes 14$ par copie, tu me payes d'avance, t'en prends minimum 60 000, c'est moi qui décide combien je t'en fabrique. T'achètes tes cartouches chez nous seulement, puis je suis le seul fabricant au monde à t'en faire. Fait que c'est ça ou tu t'en retournes chez toi. Donc, ils ont toujours négocié très, très, très durement les termes. Et puis donc, comme ils avaient une position de monopole, parce que leur machine avait été développée, puis ça, c'est la stratégie technologique de Nintendo, comme ils sont pas une entreprise de haute technologie, ils sont pas là dans le développement des technologies. Eux, ils rachètent les scraps, ils rachètent les vieilles technologies dépassées, puis ils bidouillent des consoles avec ça pour que ça fonctionne. Alors, souvent, ils vont utiliser des technologies qui sont en voie de dépassement ou en voie d'être déclassées. Encore la Wii, la Wii U, la Switch, c'est toujours la même chose. Hein. Ils sont jamais dans le next gen, ils sont jamais dans les nouveaux processeurs. Ils prennent toujours des composantes en fin de vie à faible coût qui les agencent de manière assez difficile à utiliser. Mais ils font vraiment des consoles spécifiquement pour les jeux qu'eux, ils font. Donc, c'est ce qui s'est passé avec la Super Nintendo. Quand ils ont décidé de faire une console qui allait devenir la Super Nintendo, ben ils ont regardé, nous autres, c'est quoi qu'on fait comme jeu, tu sais? On fait des jeux dans lesquels il y a un peu de texte, donc c'est important d'avoir une bonne résolution d'affichage pour afficher des caractères en détail. On fait des jeux graphiques, des side-scrollers, des jeux de plateforme, tout ça, donc c'est important qu'il y ait des plans de décors différents qui puissent se succéder pour donner l'illusion d'un relief. Et puis on fait des jeux d'action, fait qu'ils ont organisé leur console pour faire ça, ils ont programmé leur console pour avoir des modes graphiques prédéfinis pour faire ces choses-là que eux faisaient. Et puis donc, les gens qui font des jeux de sport, les gens qui font des jeux de course, tout ça, ben ils doivent s'accommoder d'un écosystème qui est pas pensé pour eux, parce que la plateforme est pas là pour les accommoder. T'sais. Donc ça, c'est un positionnement qui est très, très, très différent. Et c'est ce que Sony a fait pour gagner le marché dans les années 90. Ils sont arrivés en disant, qu'est-ce que vous faites comme jeu, vous? Qu'est-ce que vous voulez faire comme jeu? On prend toutes vos demandes en note, on développe ça jour et nuit, vous pouvez nous appeler, notre soutien technique est disponible 24 heures sur 27, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, pour vous aider à faire des excellents jeux, on est à votre service. Fait que c'est vraiment des schèmes de pensée complètement différentes. Ouais, c'est mentionné par la fin du livre, justement, où Nintendo obfusquait pratiquement, probablement délibérément, leur logiciel de création. C'était difficile pour n'importe qui voulait faire des jeux sur Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64. Apparemment que c'était un cauchemar pour le faire. Fallait qu'ils fassent du reverse engineering. Sony est arrivé et a fait « Regardez, on a des exemples de code, on a de la documentation, on a tout pour vous. » Puis là, les gens ont fait comme « C'était tellement plus fun faire des jeux avec Sony. » Exactement. Nintendo fournissait une documentation en japonais. Il y avait une traduction anglaise qui était tellement mauvaise qu'il y a un développeur australien qui s'appelle Ocean qui ont retraduit la documentation technique. Puis finalement, c'est ces documents-là qui ont servi aux développeurs américains, t'sais, parce que la documentation originale était pratiquement incompréhensible. Fait que, ouais, mais tout ça, c'est vraiment là, tu sais, écoute, t'es dans mon jardin, je te laisse rentrer, compte-toi chanceux. Il y a plusieurs citations dans mon livre d'éditeurs de jeux qui disaient, on est à la merci de Nintendo, tu sais, ils peuvent décider qu'ils vont juste faire 30 000 copies de notre jeu parce qu'ils manquent de puces. Puis il y a même des allégations très sérieuses qui ont été amenées devant la cour aux États-Unis pour dire que Nintendo empêchait la production de grands volumes pour les jeux des compétiteurs parce que eux-mêmes allaient sortir Zelda 2 par exemple, ben ils ont gardé les 300 000 puces qu'ils avaient à leur disposition pour fabriquer 270 000 copies de Zelda 2 et seulement 30 000 copies d'un autre jeu de Capcom ou Konami par exemple. Ouais, c'est mentionné dans le livre qu'il y avait des il était amené en cour pour comme antitrust ou exactement contrôlait tellement de parts de marché que les gens qui supposaient qu'ils faisaient des embûches à leur propre jeu pour pouvoir privilégier les jeux leur propre jeu de Nintendo. Ouais, exactement. Tu sais, les lois antitrust aux États-Unis, c'est les lois pour garantir la concurrence parce que l'idéal américain, c'est vraiment que le libre marché, c'est la meilleure chose qui peut exister pour garantir que les gens peuvent avoir des biens avec des entreprises qui vont être en concurrence pour sortir des trucs avantageux, tu sais, puis tout ça. Fait que, mais tu sais, le monde dans lequel Nintendo est issu, c'est le monde du Japon. Puis au Japon, les attitudes sont très, très, très différentes. Moi, je suis pas un spécialiste de la question, donc j'ai lu des gens qui en parlent mais il faudrait en lire plus là-dessus, là, mais l'idée, c'est que les secteurs d'activité économique sont régis par des consortiums, des tables de concertation où tous les grands industriels s'assoient ensemble et ils sont sous la gouverne du leader du marché. T'sais. Donc, pour les fabricants automobiles, ben, c'est Toyota. On s'assoit à la table, puis Toyota est le leader du marché, tout le monde le comprend, tout le monde respecte cette hiérarchie-là, puis on écoute ce que Toyota a à dire, puis Toyota doit veiller à ce que l'industrie se porte en bonne santé, mais c'est correct, puis c'est normal que soient eux les leaders. C'est comme eux qui est papa dans la maison, qui va gérer les choses pour s'assurer que l'écosystème reste là. Puis nous, on a notre 4% du marché, notre 12% du marché, c'est notre place, puis c'est correct. On va en avoir plus, mais tu sais, je veux dire, il y a vraiment là une espèce d'idée dans laquelle ça prend un leader de marché très fort pour assurer une stabilité à l'économie. Fait qu'il y a une attitude beaucoup plus tolérante. Là. L'idée que la concurrence, puis tout ce qui peut empêcher la concurrence, c'est néfaste, là, pas là du tout, du tout. Alors, c'est sûr que quand Nintendo arrive aux États-Unis, ben les pratiques qui disent « Hey, moi, je suis Nintendo, c'est moi qui lead le marché, fait que voici mes règles », ça passait pas du tout. Puis Nintendo ont eu un petit peu de mal à s'ajuster à ça, notamment, quand ils vendaient leur console ou leur jeu, ils mettaient un prix indiqué, là, un prix minimum indiqué. Puis si les commerçants, genre Toys R Us, mettons, ou Target, ou les chaînes, ou n'importe quoi, décidaient de vendre le jeu quelques sous en dessous du prix minimum que Nintendo disait, mettons, Nintendo disait, cette cartouche-là, c'est 79,99 minimum. Si le commerçant faisait un spécial pour les mettre à 79,92, ben là, Nintendo disait, hey, vous avez descendu en dessous du prix minimum qu'on avait fixé. Si vous remédiez pas à la situation, ça va être fini pour vous, les stocks. On va vous couper le robinet, mais maudit, tu sais. C'est vraiment, c'est quand même assez bizarre, là, c'est sûr, comme façon de faire. Ouais, puis ça me fait penser que peut-être que cette différence culturelle-là, c'est peut-être un peu en cause pour l'attitude plus conservatrice de Nintendo à la base, j'imagine, et moins poussée vers l'innovation, peut-être. C'est sûr que il y a différents types d'entreprises de jeux vidéo, puis leur vision sur l'innovation n'est pas toujours la même. Nintendo fait partie des entreprises qui pensent que quand tu as une bonne formule, tu l'exploites, jusqu'à ce que le filon soit épuisé, puis là, on passe à autre chose. Donc, quand ils ont fait la Famicom, la NES, ils voulaient pas la remplacer, là. Ils ont jamais pensé sortir une Super NES. Mais, à un moment donné, ils ont été obligés de le faire, parce que là, les autres entreprises comme Sega, comme NEC au Japon, qui est la Nippon Electric Company, qui est peu connue ici, qui ont sorti la TurboGrafx-16 en Amérique, là. Donc, ils annonçaient une nouvelle console et tout ça. Fait que là, ils se sont dit, oups, faut qu'on sorte une nouvelle console, mais ça fait pas notre affaire, parce qu'il y avait encore un excellent marché pour la Famicom, pour la NES. Fait que c'est sûr que eux, leur but, c'est vraiment de continuer à garder les jeux assez semblables. Puis tu sais, quand on regarde qu'est-ce qui se passe avec les jeux de Mario, par exemple, ben tu sais, l'innovation est pas très très lourde, là, disons. Hein. Tu joues à un Mario de 2018, ça ressemble au Mario de 2008, puis ça ressemble au Mario de 98. Fait que c'est sûr que eux, ils sont pas dans le créneau de faire des jeux complètement différents, complètement innovants, complètement out there, tu sais. Donc, ils pratiquent une forme d'innovation assez localisée. Et puis, c'est sûr qu'ils veillent aux intérêts de préserver leur marché. Puis, leur grand atout, c'est l'histoire qu'ils ont avec nous. On aime Nintendo. Puis là, avec les nouvelles consoles puis les nouveaux écosystèmes beaucoup plus ouverts, notamment avec la Switch, ils ont comme pas le choix là, de s'ouvrir un peu puis d'aller chercher des développeurs indépendants externes. Donc, ils font une plateforme plus accueillante. Puis, ils font un effort réel là, pour vendre le catalogue sur la Switch. Des jeux indépendants est vraiment intéressant. Il est bien fourni. Donc, c'est vraiment un changement d'attitude parce qu'ils ont compris, je pense, que ça marcherait pas jusqu'au milieu du 21e siècle, là, garder un écosystème fermé. Oui, mais ça me fait penser un peu à quelque chose que tu mentionnes dans le livre. Quand Nintendo s'ouvre aux tierces parties, ils font un peu de reculons parce que ils ont besoin d'agrandir leur part de marché. Si on ne peut pas fournir de jeux, on ne peut pas continuer à vendre autant de systèmes, autant de consoles. Donc, on fait rentrer des personnes dans notre jardin. Mais ils le font de manière de reculons, parce que comme tu l'expliques dans le livre, c'est comme s'ils invitaient leurs propres compétiteurs à venir manger à leur table. Exactement. Ils n'ont pas intérêt à leur rendre la vie belle, facile et accueillante. T'sais, évidemment, ça joue un rôle intéressant parce que ça permet de rendre la plateforme plus intéressante, mais l'objectif, c'est vraiment que les gens achètent les jeux de Nintendo aussi. T'sais. Fait que souvent, comme ils développent des plateformes matérielles, là, le hardware, qui servent, qui sont assez bricolées, là. La Super Nintendo, c'est un bon exemple de ça. Il y a deux puces graphiques, il y a des vitesses de transmission différentes, dépendamment de l'opération que tu demandes. C'est super compliqué techniquement, c'est très alambiqué. C'est vraiment un alambic, là, comme à l'époque où les alchimistes faisaient des potions, il y avait toutes sortes de patentes à gosses là-dedans. Là. Ben, c'est vraiment une machine super compliquée à utiliser. Donc, naturellement, eux, ils vont en tenir le meilleur avantage possible. C'est eux qui ont fabriqué la machine, ils sont capables d'utiliser. Mais beaucoup de développeurs de jeux des années 90 qui ont travaillé sur la Super NES ont fait des jeux pas très impressionnants techniquement parce qu'ils avaient du mal à faire fonctionner la machine. Fait que c'est ça, t'sais. Tu mentionnes souvent l'idée de la main de fer que Nintendo a sur la production culturelle, les autres compagnies, mais aussi sur sa propre production de hardware, parce que on l'a peut-être pas mentionné, mais c'est eux autres qui produisent leur propre matériel jusqu'à un certain point. Ouais, ben c'est eux qui font le design de la console, donc contrairement, comment je dirais ça, ils sont pas propriétaires des usines, okay. Ils fabriquent pas les composantes eux-mêmes, ils font affaire avec des sous-traitants. Ceci dit, la plupart des fabricants de matériel dans le monde sont pas non plus propriétaires directement des exploitations, tu sais, puis des gisements, puis etc. Là, ils s'approvisionnent chez des fournisseurs et tout ça. Mais évidemment, c'est eux qui font le design de la machine. Donc, effectivement, c'est eux qui font les choix technologiques, les commandes et tout ça. C'est une compagnie plus verticale que d'autres. Ouais, ça c'est une bonne question en fait. Là, je détaille ça dans le dernier chapitre du livre parce que c'est pas évident de comprendre le modèle d'affaires. Ben, pas le modèle d'affaires, mais plutôt la structure organisationnelle de l'entreprise. Ouais, mais tu mentionnes la verticalité, mais aussi le network. Ouais, c'est ça. C'est que techniquement, les entreprises habituellement sont assez verticales, c'est-à-dire qu'elles sont spécialisées dans un certain silo, dans une certaine activité qu'ils font. Et puis, ils vont chercher des partenaires qui sont spécialisés dans les autres secteurs pour concrétiser leur affaire. Par exemple, Sony, ben ils fabriquent des télés, ils fabriquent... donc, ils ont quand même beaucoup de composantes là, électroniques et technologiques, là, puis tout ça. Ils fabriquent aussi des CD-ROM. Ils sont titulaires du standard pour le CD-ROM. Donc, ça, c'est dans leur écosystème à eux. Mais après ça, ils ont aussi des partenaires pour fournir toutes sortes de pièces, là, par exemple, des puces informatiques, par exemple. Donc, ils vont chercher ça dans un réseau de partenaires affiliés. Chez Nintendo, puis bon, la question finit toujours par se poser. Tu sais, au début, on fabrique des télés, donc il y a certaines composantes dont on est propriétaire puis qu'on fabrique à l'interne. Puis éventuellement, on s'approvisionne. Puis je sais pas moi, à un moment donné, les télés tombent en cristaux liquides. Fait que là, on commence à s'approvisionner chez les fabricants de cristaux liquides. Puis là, à un moment donné, on s'approvisionne. Puis la tendance est assez forte que là, ça vaut la peine. On fait une acquisition. Hein, on achète une usine, par exemple, qui traite des cristaux liquides. Puis là, maintenant, ça vient à nous. Tu sais, fait qu'on a grandi l'entreprise. On est devenu propriétaire de ça. Ben, Nintendo, ils font jamais ça. T'sais, Nintendo, ils disent, nous, on fait de l'entertainment, on fait des jeux. Fait que là, on fait des consoles parce qu'il faut, mais notre créneau, c'est pas de développer des consoles. Puis ça leur garde une agilité. D'abord, la taille de l'entreprise est petite. La plupart des gens surestiment là, la taille qu'une entreprise comme Nintendo doit avoir comme employé. Au moment où ils font la Super NES, ils ont combien d'employés? Je donne le chiffre dans le livre. Mais quand ils donnent leur chiffre d'affaires pour l'année 92 ou 93, là, peu importe, ils donnent leur chiffre d'affaires et après ça, ils nous expliquent que ça veut dire... Non, ils ne donnent pas le chiffre d'affaires, ils nous donnent les profits. Donc, ils expliquent que ça veut dire 1,5 million de profits par employé. Tellement il y a peu d'employés, finalement. Il y a peu d'employés, pourquoi? Ben parce qu'ils se diversifient pas, puis ils font pas d'acquisition, puis ils grossissent pas. Ils gardent des petites équipes qui travaillent sur des jeux vidéo longtemps pour faire des jeux de superbe qualité. Après ça, ils les poussent sur leur machine. Ils investissent jamais pour acheter des usines, des fabricants de composantes ou des choses comme ça. Notamment parce qu'ils se marient pas à des technologies. Ils prennent toujours des technologies en fin de vie qui sont déclassées. Donc, c'est sûr que Sony, qui achète une usine de cristaux liquides parce qu'ils font dormir des télés à cristaux liquides, ben après ça, quand les cristaux liquides sont remplacés par le plasma, par les biotechnologies ou peu importe, eux autres sont pris avec, là. Faut qu'ils continuent à les rentabiliser, faut qu'ils s'en occupent, faut qu'ils les gèrent. Fait que, puis là, tranquillement, la multiplication de tous ces intérêts-là finit par diluer le focus de l'entreprise. Elle se disperse, hein, elle disperse toutes ses ressources stratégiques pour s'occuper de la division film, de la division musique, de la division CD-ROM, de la division cristaux liquides, de la division microprocesseur, de la division gaming. Fait que là, tout ça participe d'un gros consortium qui a parfois des idées assez opposées. D'ailleurs, Sony voulait pas se lancer dans les consoles de jeux vidéo au départ. Ils voulaient faire un partenariat avec Nintendo. Ça, c'est un gros morceau de mon livre aussi, parce que c'est un gros morceau de l'histoire du jeu vidéo. Nintendo avait annoncé qu'ils allaient faire une expansion sur leur console Super Nintendo. Ils allaient faire un CD-ROM. Et donc, le CD-ROM allait permettre de rentrer dans les jeux du futur à l'époque. Je mets des guillemets. et puis, il y avait un deal avec Sony pour que Sony fabrique un lecteur CD-ROM pour la Super Nintendo. Et finalement, c'est parti en fumée, cette idée-là. Nintendo, ça les intéressait pas tant de perdre le contrôle sur leur écosystème si Sony se mettait à fabriquer des CD-ROM. Et Sony ont finalement décidé de concrétiser leur projet de machine de jeux vidéo, puis donc c'est devenu la PlayStation, finalement. Fait que le refus de Nintendo d'aller explorer ces eaux-là a mené indirectement à la naissance de la PlayStation de Sony. Ouais, c'est une partie de l'histoire qui est souvent rapportée comme c'est un point tournant majeur, marquant de l'histoire des jeux vidéo globalement. Mais c'est quelque chose qui a dû être sondé pendant plusieurs années, si je ne me trompe pas, parce que Nintendo, gardant une main de fer sur tout ce qu'elle peut, garde aussi une main de fer sur sa propre histoire, crée sa propre mythologie. Oui, absolument. Sont une entreprise très secrète, pour commencer. Donc, on peut pas juste se présenter au quartier général de Nintendo pour faire une visite. Ils accueillent pas de visiteurs, et tout ça. Il y a aussi, je dirais que Nintendo est assez typique de l'industrie du jeu vidéo. Ils sont obsédés par le secret professionnel et ils ont pas de préoccupations par rapport à l'héritage ou à ce qu'ils vont léguer ou à maintenir des archives ou des choses comme ça. Ça, c'est assez typique de l'industrie du jeu vidéo, puis c'est vraiment regrettable. Notamment, Nintendo, ils font affaire beaucoup avec Florent Gorges. Florent Gorges, G-O-R-G-E-S, a écrit plusieurs livres, dont une série de livres qui s'appelle « L'histoire de Nintendo », volume 1, volume 2, volume 3. S'il se posait en faire 7 ou 8, je pense. Là, parfois, ça s'étend quand on lui parle, là, parce que l'histoire est très vaste. Et lui, c'est vraiment l'historien de Nintendo. Il a travaillé pendant des années pour Nintendo comme interprète. Il vit au Japon depuis qu'il a 18 ans ou 19 ans, je pense. Et puis, donc, il parle japonais, il parle français. Il est français de nationalité. Et puis, donc, Florent était déjà dans le giron de Nintendo. Donc, il a déjà des accès à l'interne chez Nintendo. Et il a pu fouiller les voûtes, les archives, la documentation et tout ça. À tel point qu'aujourd'hui, parfois, Nintendo se tourne vers Florent Gorges quand ils ont une question sur leur propre histoire. Ils envoient un courriel, j'imagine, ils doivent pas faire de téléphone, mais en tout cas, ils s'adressent à Florent, puis ils disent « Bon, en 86, on a fait telle affaire, puis tel partenariat, puis telle console, machin. T'en parles, je pense, dans un de tes livres. C'est quoi l'affaire, là? On n'a pas de documents, on n'a pas de traces de ça, tu sais. » Technologiquement parlant, ils se tournent vers les pirates, des fois, pour pouvoir avoir des ROM de jeux qui ont perdu eux autres dans leurs propres archives pour pouvoir, après ça, les revendre sur comme leur propre plateforme. Absolument. Je pense que Nintendo a fait ça. Oui, tu fais bien de le souligner, parce que ça, c'est une des absurdités de la vie, là. Depuis les années 90, il y a des gens qui développent secrètement des émulateurs pour simuler le système de la NES ou le système de la Super NES, pour que les gens puissent jouer à des ROM gratuitement comme ça. Nintendo s'est toujours farouchement opposé à ça, parce qu'évidemment, c'est leur droit, c'est leur propriété. Il n'est pas question de laisser des gens se copier ça gratuitement. Et puis finalement, aujourd'hui, il y a un émulateur là dans la Switch pour jouer à des jeux de NES puis des jeux de Super NES. Puis cet émulateur-là est construit sur les bases du code qui a été mis en place par les pirates qui ont fait ça pendant les années 90, les années 2000 puis les débuts des années 2010. Fait que oui, absolument. Puis ben c'est ça là. C'est vraiment une problématique généralisée. Hein. Nintendo est pas spécifique là-dessus. Non, c'est ça. La plupart des compagnies veulent protéger leur investissement dans le temps, donc les affaires qu'ils ont produites 20, 30, 40 ans des fois. Ce que moi je trouve drôle, c'est que c'est quelque chose qui est déjà arrivé par le passé. Tout ce dont on parle présentement, toutes des origines ou des exemples dans le passé antérieurement, l'idée de pouvoir jouer au vieux jeu sur un nouveau système, c'est rien de nouveau. Puis en fait, c'est aller... Il y a eu plusieurs controverses à travers les âges sur est-ce que je vais pouvoir jouer à mon jeu de PlayStation 2 sur ma PlayStation 3? Est-ce que je vais pouvoir jouer à mon jeu de Nintendo sur ma Super Nintendo? Est-ce que je vais pouvoir jouer à mon jeu d'Atari sur ma nouvelle Atari? C'est quelque chose de constant, ça. Oui, absolument. Ça, c'est une préoccupation globale, là. Excuse, vas-y avec ta question parce que je suis pas sûr qu'on. Ben, ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y a comme une tension entre qu'est-ce que les joueurs veulent, qu'est-ce que les compagnies veulent pour. Les compagnies veulent vendre des nouveaux jeux. Les joueurs veulent jouer à comme les jeux qu'ils ont eu. Tous les jeux qu'ils ont, en fait. Il y a comme une tension entre une espèce d'impératif économique puis un bagage culturel qui est dans le jeu vidéo. Ouais, c'est une super belle façon de formuler le problème, parce que c'est un problème, là, mais c'est une très belle façon de le formuler. James Newman, c'est un historien qui travaille sur le jeu vidéo, et puis il a écrit un livre en 2012, si je me trompe pas sur l'année, qui s'appelle Best Before, Video Games, Supersession and Obsolescence. Et puis, j'espère que j'ai bien cité le sous-titre. En tout cas, ça s'appelle Best Before. Et puis, donc, c'est un livre qui parle vraiment de comment l'industrie du jeu vidéo est axée sur un discours de l'obsolescence, mais pas seulement parce que oui, c'est inévitable que les machines soient dépassées, mais vraiment que du moment qu'on fabrique des jeux puis qu'on les markete puis qu'on mette les consoles sur le marché et tout ça, ça vient toujours dans le discours que ça prend de la nouvelle affaire puis que la nouvelle affaire est toujours un aperçu du futur. On est toujours tourné vers l'avenir autour de ça. Et puis, donc, il déploie ça sur bon, toutes les ramifications, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis c'est quoi les implications. Mais oui, tu sais, l'impératif premier des fabricants de consoles et des développeurs de jeux vidéo, c'est évidemment d'avoir des consommateurs qui payent pour avoir quelque chose. Et donc, du moment où tu as un jeu que tu as acheté, ben si tu peux y jouer à jamais pour ta vie, toi, ça fait ton bonheur. Tu l'as acheté le jeu, il est à toi, tu le possèdes. C'est comme un album de musique, tu t'es acheté l'album, tu vas pouvoir l'écouter. Fait que l'idée que il va y avoir des nouvelles consoles qui vont arriver et tout ça, c'est un obstacle pour les gens. Puis ça, c'est une des choses que j'ai vraiment développées dans mon livre, parce que quand les économistes parlent de l'industrie du jeu vidéo, ils disent « Bon, ben, t'as les consoles de jeux, ça, c'est le bien de base. Puis après ça, t'as des biens complémentaires qui sont les jeux, qui augmentent la valeur du bien de base. » J'ai dit « Foutaise. C'est pas vrai que ma PlayStation est un bien de base si j'ai pas de jeux, puis que la valeur de ma PlayStation augmente parce que j'ai des jeux intéressants. » Non, au contraire, ma console, c'est un problème. J'ai pas le goût d'avoir une console, moi. Ma console, c'est un fil de plus qui pendouille quelque part dans la maison. C'est quelque chose qu'il faut que j'époussette. C'est quelque chose qui rentre pas dans mon meuble. C'est quelque chose qui prend une prise électrique. C'est quelque chose qui peut défaillir. Le lecteur CD peut arrêter de lire mes CD-ROM. Mon chien peut... je sais pas. C'est un problème. C'est un paquet de troubles, une console. J'en veux pas. Ce que je veux, c'est des jeux. Pour avoir des jeux, j'ai pas le choix de passer par une console. Fait que c'est un peu ça, là, vraiment la grande disparité entre le modèle économique du point de vue des fabricants qui disent « Ben, ça me prend une console, ça me prend un ordinateur. Si j'essaie de convaincre le consommateur d'acheter un ordinateur pour jouer à Mega Man, ça marchera pas. » Fait que là, « Ah, c'est pratique, un fabricant d'ordinateur qui me donne une plateforme. » Fait que là, moi, je peux faire mon jeu de Mega Man, puis moi, ma business, c'est juste de vendre un jeu de Mega Man à quelqu'un qui paye un jeu de Mega Man. Fait que je suis content d'avoir ça, ça fait donc mon affaire comme développeur de jeux. Parfait. Sauf que le consommateur, lui, ce qu'il veut, c'est des jeux, tu sais. Fait que effectivement, le problème de la technologie dans l'industrie du jeu vidéo, c'est justement l'imbrication très très forte qu'il y a entre la plateforme qui délimite des affordances, des capacités d'action, des possibilités matérielles. Et puis donc, tu peux pas transplanter un jeu sur une nouvelle console, il faut que tu le réadaptes, il faut que tu le retransformes. Alors, si tu as un lecteur CD-ROM portatif, puis tu le remplaces par une mini-chaîne stéréo, puis après ça, tu le remplaces par un lecteur 5 CD, c'est pas grave, ça reste tout le même substrat, le même support, tu sais. Donc, ton objet, il est interopérable, il peut fonctionner dans n'importe lequel de ces appareils-là. Mais avec les consoles, c'est pas ça partout, parce que la console de jeux vidéo délimite ton accès à une bibliothèque de jeux, et donc ta ludothèque va pas te suivre si tu changes de machine. Fait que ça, c'est un gros, gros, gros problème. Puis la Super Nintendo a été le premier événement, là, si je peux dire, en Amérique du Nord. C'est le premier moment où est-ce qu'on avait une machine qui fonctionnait bien, qui était pas en fin de vie. Contrairement à quand l'Atari 2600 est disparu, ben là, OK, c'est fini, les jeux d'Atari, c'est fini. Il y a une Nintendo, c'est une autre machine, c'est un autre développeur, c'est une autre compagnie. C'est normal que si j'achète une machine Nintendo, j'ai besoin des jeux Nintendo. Mais là, quand la Super Nintendo arrive, La Nintendo régulière marche encore super bien. Il y a des nouveaux jeux qui sortent, ces nouveaux jeux-là sont bons, tout va bien. Puis là, c'est comme, ah, il y a une nouvelle machine, mais là, si tu achètes une Super Nintendo, tu pourras plus garder tes vieux jeux. Quoi? Fait que là, faut que je garde deux machines, puis ils sont pas intercompatibles. Hein? Là, ça a été un scandale. Là. Les journaux étaient pleins de lecteurs, pas de lecteurs, de lettres d'opinion. Au téléjournal, quand ils parlaient de la nouvelle machine, ils disaient « Les parents ne seront pas très contents parce que là, il faut qu'ils dépensent 200$ pour acheter le nouveau Nintendo, puis il ne marchera pas avec les vieux jeux. » Puis là, c'était un scandale. T'sais. Fait qu'effectivement, il y a une grande divergence entre les intérêts des consommateurs puis les intérêts des entreprises. Puis les intérêts des entreprises participent, dans le fond, du circuit technologique, puis survalorisent la technologie, parce que finalement, les bons vieux jeux rétro, ils nous plaisent encore. Là. Si les machines marchent encore, on les jouera encore, on ne serait pas obligé de s'acheter des rééditions. Ce qui arrive avec la Super Nintendo, c'est qu'elle a été créée parce que c'est un impératif économique pour Nintendo. Ils ne voulaient pas la faire, mais ils se sont dit qu'ils n'avaient pas le choix de la faire parce qu'ils ont eu peur des autres compagnies. Mais en même temps, c'est pas un, la personne qui a un Nintendo n'a comme rien à foutre d'avoir comme une nouvelle console qui arrive. Parce que moi, je veux jouer à comme Dragon Warrior encore. Je veux faire ma run. Je veux faire ma run low level de Dragon Warrior. C'est pourquoi je devrais acheter une Super Nintendo. Donc, il y a comme une manière. Il faut que Nintendo vende sa nouvelle console, son nouveau système à des gens. Ils ont visé des gens comme moi qui étaient enfants à l'époque à travers comme une série de systèmes qui sont comme douteux de manière éthique. Moi, je parle ici de la fameuse du fameux magazine Nintendo Power. Oh oui, tout à fait. Alors, j'ai un chapitre au complet dans mon livre qui en parle de Nintendo Power. Nintendo Power, c'est un magazine de jeux vidéo. Donc, tu te promènes puis tu vois les abonnements qui te sont proposés, tu vois un kiosque, peu importe. C'est une revue de jeux vidéo. Fait que là, tu te dis, bon, OK. Et il faut savoir que dans la tête des gens à l'époque, dans les années milieu, fin des années 80, début des années 90, les gens utilisent le mot Nintendo pour parler de jeux vidéo en général. Ils disent, c'est un Nintendo. Il y a même un livre québécois, là. J'ai lu un article de Bernard Perron il y a pas longtemps qui en parle justement. Un livre québécois qui s'appelle Ils jouent au Nintendo, mais apprennent-ils quelque chose? Un de ces innombrables livres qui s'intéressent au phénomène et qui se posent des questions là-dessus, mais bon, on disait on joue au Nintendo, puis ça voulait dire jeux vidéo. Fait que là, d'ailleurs, Nintendo se sont battus en cours pour dire que non, Nintendo, c'est une marque protégée, là, c'est pas un objet interchangeable, là, c'est vraiment nos machines à nous, là, c'est une marque de commerce. T'sais. Fait que bref, c'est un peu rigolo. Mais oui. Alors, Nintendo Power Magazine, c'est vraiment une revue de jeux vidéo qui est peut-être pour tous les jeux vidéo, peut-être juste pour ceux de Nintendo, c'est pas trop clair pour beaucoup de parents à l'époque. Et pour les jeunes, évidemment, qui ont un Nintendo, c'est tout ce qu'ils ont. T'sais, Atari, c'est terminé. Sega ont sorti un Master System, qui est une console de jeux vidéo qui a eu très, très, très peu de succès commercial. Donc, pendant un bout de temps, Nintendo était tout seul avec leur console NES. Fait quand ils sortent le Nintendo Power Magazine, c'est comme « Hey, les enfants passent plein de temps à jouer à des jeux vidéo, voilà un magazine qui va les aider à jouer. » Alors, c'était bienvenu d'avoir de l'aide d'ailleurs, parce que les jeux Nintendo sont pas faisables, on va se le dire, là, mais c'était des jeux super difficiles. Puis ça, j'en parle dans mon livre d'ailleurs, pourquoi les jeux étaient si difficiles. C'est un impératif commercial, les jeux coûtaient cher, donc si on veut qu'ils durent longtemps, on peut pas mettre de plus en plus de contenu, il y a peu d'espace dans les cartouches, les contraintes techniques sont importantes. Fait qu'on fait des jeux super durs qu'il faut recommencer sans arrêt, comme ça, ben ça va durer plusieurs mois dans la vie de l'enfant, puis les parents, ils auront pas l'impression d'avoir mis 80$ pour acheter un jeu qui va être terminé la semaine d'après, tu sais. Fait que, bon, cet impératif-là fait en sorte qu'il y a tout un système qui s'est mis en place pour aider les jeunes. La hotline, là, qui est une ligne téléphonique qu'on pouvait appeler puis payer 50 sous la minute pour avoir des conseillers, des pros, qui allaient t'expliquer comment réussir à faire certains passages ou puzzles dans Legend of Zelda. Ça, c'est un service aussi qui s'est mis en place. Et la revue Nintendo Power, c'était une revue pour aider les gens avec leurs jeux. Sauf que, en même temps, Nintendo en a profité pour dire, parce qu'ils ont eu du lectorat à pu finir, ils ont eu le plus grand lectorat dans le secteur jeunesse en Amérique du Nord. Donc, ça a été vraiment la revue la plus lue en Amérique par les moins de 18 ans pendant plusieurs années. Fait que ça a vraiment, vraiment fonctionné. Et puis, ils s'en servaient pour faire la promotion, faire la publicité. Et évidemment, dans Nintendo Power, ben comme ils critiquaient juste des jeux Nintendo, les critiques étaient à peu près toujours positives, là. Quelquefois, il y avait des jeux qui étaient mal critiqués, mais c'était assez léger, là, je dirais, comme critique. Des jeux de tierce partie, surtout. Ouais, pas les jeux de Nintendo. Non, ça, c'était toujours bon, tu sais. Fait que, c'est ça, tu sais, c'est un magazine assez problématique, parce que t'as l'impression que c'est un magazine qui parle de jeux vidéo en général, mais comme c'est un magazine qui était imprimé par Nintendo, qui était même imputé dans les budgets comme service à la clientèle. Et puis, l'éditrice en chef du magazine, Gail Tilden, expliquait dans une entrevue il n'y a pas si longtemps que elle cherchait des moyens, puis elle utilisait le courrier des lecteurs pour inventer des faux courriers des lecteurs qui déclaraient des problèmes, pour après ça que le magazine envoie la réponse au problème. T'sais. Comme ça, ça lui permettait de passer de l'information sans que ce soit une colonne plate d'un magazine. Elle se donnait l'impression qu'il y avait une communauté de lecteurs, t'sais, puis que les gens écrivaient, puis des choses comme ça. On se le cachera pas, Nintendo Power, c'est l'organe de propagande de la corporation Nintendo. Ouais, exact. Puis ça, il y a eu des précédents. Atari avait aussi Atari Age, qui était une infolettre d'Atari qui était distribuée un peu partout. Fait que là-dessus, c'est pas nouveau. Sauf que chez Nintendo, le public, c'était des jeunes garçons. Puis ça aussi, c'est important. Avant Nintendo, on a souvent tendance à croire que les jeux vidéo, c'est l'affaire des petits gars. Mais avant Nintendo, c'était pas le cas. Avant Nintendo, chez Atari, tu regardes des publicités à la télé, tu regardes l'infolettre qui est distribuée par Atari, parle des nouveaux tournois qui ont lieu au Brésil, puis à Hong Kong, puis que tu sais l'action d'Atari a pris de la valeur, puis tout ça. Puis tu dis, crime, c'est pas fait pour des petits garçons, ça. Puis tu regardes les publicités, c'est la famille autour de la télé, c'est le père de famille qui va s'acheter une console Atari et tout ça. Fait que le jeu vidéo était vraiment comme les jeux d'arcade pour la société en général, peut-être les plus un peu les jeunes, tu sais, les gens un petit peu techno et tout ça, mais c'était pas pour les enfants. Et puis quand Nintendo est arrivé en Amérique, eux, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils vendaient une console de jeux vidéo qui n'était pas juste pour jouer à des jeux vidéo, c'était un objet de divertissement à la maison. T'sais. Fait qu'ils ont ciblé le marché, puis ils ont ciblé les détaillants de jouets aussi. Avant, les consoles de jeux vidéo se vendaient dans les magasins à rayons, genre Sears, Eaton, Labé, tout ça. Et puis ça se vendait dans le rayon des articles de sport. Et puis, quand Nintendo sont arrivés, là, les consoles de jeux vidéo ont commencé à être mises en marché comme jouets. Nintendo fabriquait des jouets, donc c'était l'extension de leur marché. Puis au Japon, c'est comme ça que c'était distribué. Donc, ils sont arrivés en Amérique et ils ont commencé à les vendre chez Toys R Us et d'autres chaînes comme ça. Et puis, ces chaînes-là, évidemment, le marché du jouet, c'est très genré. Ça aussi, c'est assez récent dans l'histoire. Pendant une longue période de temps, avant que le capitalisme sauvage ne s'en empare, les jouets étaient assez unisexes, puis il n'y avait pas trop de problèmes avec ça. Mais évidemment, à un moment donné, les fabricants de jouets se sont dit « Mais si on fait des jouets pour garçons et des jouets pour filles, ça va permettre qu'on va en vendre plus, parce que les parents pourront pas donner les jouets de la grande sœur au petit frère après, parce que ça va être des jouets de filles, puis ça prend des jouets de gars. » Fait que le jeu vidéo est rentré dans cette logique-là très binaire, et puis c'est bon, ben on vend tout ça dans le rayon des garçons ou dans le rayon des filles, ben on vend ça dans le rayon des garçons. Fait que le jeu vidéo est devenu pour les garçons, spécifiquement pour les garçons de 8 à 14 ans, qui n'avaient pas connu l'Atari et qui étaient sensibles, disons, aux petits personnages cartoonesques. Et ça, c'est venu avec les restrictions, donc Nintendo a fait de la censure de manière très proactive dans ses jeux et dans les jeux des développeurs tierce partie. Quand ils transféraient un jeu du Japon aux États-Unis, ils devaient enlever tout symbole religieux, même des croix sur des pierres tombales, par exemple dans un cimetière, la croix c'est un symbole chrétien, pas de croix. Toute référence à l'alcool, la drogue, le tabac, le sexe, etc., tout ça était proscrit, pas le droit de montrer ça dans un jeu de Nintendo. Et si vous lisez les livres d'instruction de l'époque, il y a personne qui meurt. On est battu, on a des chances ou des essais, c'est bien rare qu'on rencontre, t'as des vies puis tu meurs, là, c'est comme wow. Ouais, c'est ça, c'était dans l'optique de sécuriser les parents face au fait qu'ils achètent un jouet pour leur enfant. Oui, exactement, puis il y avait aussi la crainte d'un sentiment anti-japonais qui était très présent aux États-Unis à l'époque. Les États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, ont occupé le Japon et ils se sont dit stratégiquement, c'est une société qui va nous permettre de nous approvisionner en matériaux technologiques, en objets, en articles de consommation. Tu sais, le Japon est devenu le centre de production qui aujourd'hui a été repris par la Chine, disons. Pendant un bout de temps, là, quand les choses étaient faites au Japon, ça voulait dire que c'était cheap, puis que c'était bon, etc., etc. Éventuellement, le Japon est devenu spécialiste des hautes technologies puis de la miniaturisation. Puis là, soudainement, c'est devenu une menace parce que là, il y avait des emplois américains qui se perdaient parce qu'on s'approvisionnait plutôt chez les Japonais parce que c'était moins cher. Fait qu'il y avait un certain ressentiment là, contre les Japonais à l'époque. Et puis Nintendo était très, très, très conscient de ça. Puis voulait pas qu'il y ait une machine du Japon qui vienne voler une industrie américaine. C'est d'ailleurs le livre de David Sheff de 1993 sur Nintendo qui s'appelle Game Over, How Nintendo Zapped an American Industry, Captured Your Dollars and Enslaved Your Children. Tu vois tout le concentré de japanophobie, si je peux dire, là, dans ce titre-là. Là. Fait qu'ils étaient très prudents et ils voulaient pas qu'il y ait un backlash parce que hey, il y a un jeu de Nintendo dans lequel les gens ils vont à l'église, puis il y a des démons, puis c'est satanisme, puis tout ça. Mais toute cette. C'est un autre aspect du conservatisme de Nintendo qui est exploré dans le livre. Ces aspects-là de conservatisme, qui est aussi au niveau, mettons, de la production culturelle et de la présentation de son produit, ça a eu des répercussions à long terme, jusqu'à ce jour même, au niveau comme de la culture des jeux vidéo. C'est encore perçu, maintenant, en 2021, comme des jouets pour enfants. Et, juste, juste pour cadrer bien comme le problème, c'est que les jeux vidéo, ça peut être des modes d'expression totalement valides, valables. Et c'est les jeux vidéo comme jouets, ça a été comme intériorisé par une grande partie des gamers. Fait que quand il y a des choses qui sortent qui sont pas des jouets, qui sont pas des choses avec lesquelles on a un sentiment de pouvoir en interagissant avec, c'est perçu comme mal. Quand Gone Home est sorti, en 2014, je pense, tu sais, beaucoup de personnes ont dit « Ah, quel jeu merveilleux! » Tu sais, ça parle de quelque chose de super. C'est un jeu qui parle de... Juste pour faire la parenthèse, c'est un jeu qui parle... Tu joues une fille qui retourne chez ses parents, puis qui se rend compte que sa sœur est partie, puis en fouillant dans le bordel de la maison, tu te rends compte que ta sœur était lesbienne, puis que ses parents voulaient la déprogrammer, et quelque chose d'autre comme ça, tu sais. C'est un jeu quand même assez intéressant, mais quand c'est sorti, il y a une réaction sur l'Internet, comme c'est pas un jeu, ça devrait pas exister. Puis ça, c'est à cause que les jeux, ça devrait être des jouets, ça devrait être un sentiment de pouvoir, puis on retrouve un peu, je pense, corrige-moi si j'ai tort. Ça, comme dans l'origine un peu de... L'origine de ça, ça vient un peu du marketing de Nintendo, peut-être. Ben, je pense que tu fais un lien qui est tout à fait vrai, là, que moi, j'ai pas fait dans mon livre, puis bon, il faudrait que je pense un peu plus, mais certainement, oui, il y a un lien, là, parce que c'est sûr que... Alors, quand Nintendo arrive en Amérique, le jeu vidéo existe déjà sur ordinateur personnel. Les jeux sur PC ont longtemps été pour les geeks masculins, oui, mais adultes. T'sais. Fait que fans de Star Trek, jeux d'exploration, jeux de puzzle, etc. Fiction interactive même. Donc, il y avait tout ce côté de jeux plus littéraires qui existait, puis qui était bien en selle, bien installé. Les jeux d'aventure graphique, King's Quest, c'est un bon exemple, mais on pense à Monkey Island aussi, The Curse of Monkey Island. C'était des jeux dans lesquels il y avait un récit développé, des personnages et tout, puis le public cible, c'était pas des enfants, tu sais. Fait que il y avait tout ce monde-là qui existait. Sur les consoles de salon domestique, donc avec Atari, c'était pas l'adéquation pour le petit garçon, c'était toute la famille qui jouait, puis on le voyait très bien dans les pubs. Là, avec les jeux de Nintendo, c'est devenu pour les petits garçons, donc nécessairement, la palette d'expressivité, puis ce qui est acceptable, puis ce qui peut réellement être fait, est assez limité, là, tu sais. Puis ça, ça a vraiment frappé l'imaginaire collectif. Puis le jeu vidéo est devenu associé à quelque chose que les petits garçons font, puis c'est juvénile, tu sais. Et puis, l'industrie s'est mise à suivre cette cohorte-là. Donc, Dimitri Williams, qui est un chercheur en jeux vidéo, a fait des études, lui, avec vraiment des populations, des statistiques, puis tout ça, puis il est arrivé à la conclusion qu'il y avait un effet de cohorte très marqué. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont joué à des jeux vidéo à l'époque d'Atari, qui ont débarqué, puis qui ont arrêté à partir de la NES, puis qui sont jamais revenus dans le jeu vidéo, parce que pour eux, le jeu vidéo, ça avait été terminé. Puis finalement, c'est la cohorte qui a connu les jeux vidéo quand ils étaient âgés de quelque part entre 6 et 15 ans, mettons, à l'époque de la NES. Mais là, c'est devenu la cohorte 1, si on veut, de l'industrie internationale ou transnationale du jeu vidéo. Puis le jeu vidéo a suivi cette cohorte-là. Donc, oui, les jeux étaient pour petits garçons, surtout, pendant les années fin 80, début 90. Fait que là, rendu milieu 90, là, c'était devenu pour les adolescents, puis les jeunes adultes. Puis après ça, années 2000, ben là, ils sont plus vieux. Et puis, tu sais, moi, j'avais quel âge? J'avais 6 ans ou 7 ans, peut-être, quand la NES est sortie, mais j'ai pas eu une NES à cet âge-là. Donc, tu sais, je suis un petit garçon Nintendo, là, de cette génération-là. Et puis, effectivement, aujourd'hui, bon, j'ai 38 ans, c'est sûr que moi, un autre Call of Duty, tu sais, j'ai eu en masse d'occasions d'explorer qu'est-ce que c'est un rocket launcher versus un chain gun versus un pistolet versus un shotgun, puis me cacher dans le coin, puis utiliser un medkit pour me soigner, puis acheter une nouvelle épée au magasin, puis apprendre un sortilège de feu pour battre les zombies de glace, ou tu sais, toutes ces affaires-là, là, déjà passées, éculées, on a déjà vu ça. Fait que c'est sûr que pour moi, un jeu comme Gone Home qui débarque, ou Dear Esther, ou tout ce qu'on appelle les Walking Simulators, qui sont des jeux dans lesquels t'as un récit, puis t'explores un environnement, puis t'apprends à découvrir un personnage ou une situation, il y a quelque chose là-dedans qui est riche, puis qui est porteur, puis qui est touchant même parfois, là, quand complètement, tu sais. Fait que moi, c'est sûr que ça me parle. Hein. Voilà une expérience que je n'ai pas faite avant et qu'il n'y a pas juste de nouveaux apparats, si je peux dire. Mais c'est sûr qu'il y a toute une génération qui est arrivée après, qui ont encore une vision assez conservatrice du jeu vidéo, peut-être, hein, qui, bon, sont peut-être pas rendus là nécessairement dans leur cheminement personnel. Puis il y a des gens qui, c'est pas une question d'âge ou de maturité, là, il y a des gens pour qui le jeu vidéo, c'est l'exutoire qui leur permet d'avoir quelque chose qui ressemble à un match sportif. Hein, puis bon, ils aiment bien une petite compétition entre amis, puis après ça, on fait autre chose. T'sais. Il y a des gens pour qui le jeu vidéo, c'est le vecteur d'une expérience artistique, d'une découverte du monde. Il y a des gens pour qui le jeu vidéo, c'est une occasion de socialiser avec des amis. Il y a des gens, tu sais, fait que le jeu vidéo, c'est une catégorie tellement vaste, puis tellement large, que c'est comme dire la télé, tu sais. Puis la télé offre pas de contenu. Ben oui, mais il y a des gens qui regardent la télé pour regarder Rire et délire ou Drôle de vidéo, ou ben ces émissions-là, ouais, ouais. Ou Ninja Warrior, ou ces trucs-là, tu sais. Puis c'est correct que tout ça existe dans l'écosystème, mais je pense qu'il y a une espèce de réaction viscérale encore, parce qu'il y a beaucoup de gamers qui ont encore l'impression d'être marginaux culturellement, parce qu'ils s'intéressent aux jeux vidéo, puis de pas être perçus comme étant crédibles, et qui sentent, qui développent une mentalité d'assiégé. En se disant, mais moi j'aime ça les jeux vidéo, puis les vrais jeux c'est ça, puis moi mon identité c'est ça, tu sais. Fait que ça, je pense qu'il faut le déconstruire, parce que ça ouvre la voie vers toute la toxicité qu'on retrouve souvent dans ces milieux-là, avec des gens qui débarquent en disant, comment je fais pour recharger mon fusil? Les gens répondent en disant, mais t'es un crétin, retourne chez ta mère, puis tu sais, c'est hostile, là. Puis tu dis, voyons donc, sapristi. Quand je vais pratiquer, je sais pas moi, le soccer au parc municipal, puis que j'essaie de botter le ballon, puis que ça part croche, puis un gars qui dit, ah, écoute, essaie avec le bout de ton pied, ça va t'aider un petit peu plus, tu sais. C'est le genre de truc qui me semble tout à fait normal puis acceptable, alors que si t'arrives dans un jeu en ligne, puis tu sais pas déjà expertement manipuler tes affaires, les gens se mettent à t'insulter, tu sais. Sentiment d'impunité, anonymat, puis impression d'être dans un petit groupe, de se retrouver entre initiés. C'est un cocktail explosif. J'aimerais amorcer un peu la fin, juste en posant la question, voir si tu peux me le répondre. T'sais, les jeux vidéo, en tant que mode d'expression, est-ce que tu as une idée de c'est quoi qui en fait la différence? C'est quoi ton opinion là-dessus? Ouais, c'est une très bonne question. Quelle est la spécificité de l'expression médiatique qui est permise par le jeu vidéo? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un jeu vidéo qu'on peut pas faire avec autre chose? Bon, il y a plusieurs réponses qui ont été données au fil du temps. Moi, celle que j'aime le plus, c'est l'idée de la simulation. Donc, c'est l'idée que tu peux vraiment créer un univers, créer des règles, créer des comportements, puis amener la personne à faire l'expérience de ça par elle-même. Puis ma façon de le formuler, quand je donne les cours de scénarisation et tout ça, puis surtout les cours de narration aussi au cycle supérieur, c'est que en fait, il n'y a pas de... Pendant un bout de temps, il y avait une obsession chez les chercheurs en jeux vidéo au départ, qui disaient, c'est quoi la spécificité du jeu vidéo? C'est l'interactivité. Quand tu regardes un film, quand tu lis un roman, c'est linéaire, c'est pas interactif. Puis, il y a du mérite là-dedans. Oui, il y a de l'interactivité spécifique aux jeux vidéo, bien que ce soit pas la seule chose, bien que c'est un peu réducteur, bon, etc. Par contre, moi, la façon la plus productive que je trouve d'envisager ça, c'est qu'en fait, quand tu crées une œuvre d'expression artistique, ce que tu livres à la personne, c'est le résultat finement organisé d'une expérience de simulation que tu as vécue de manière personnelle. C'est-à-dire que moi, je fais un album de musique, ben là, je brasse toutes les cartes, j'explore toutes les affaires, je fais différents tâtonnements, puis une fois que j'arrive à un résultat qui me satisfait, je livre le résultat. Fait que quand je te donne mon album, t'écoutes le résultat, puis là, peut-être que tu t'imagines un peu, tu sais, qu'est-ce qu'il y a eu derrière, puis dans quoi j'ai plongé, puis c'était quoi les alternatives, puis tout ça. Peut-être, ou peut-être pas non plus, tu sais. Dans le jeu vidéo, la différence, c'est que tu construis tout ce système-là d'exploration des possibles, puis tu le livres structuré à la personne, puis là, la personne navigue dans cet espace tridimensionnel-là. Donc, au lieu d'avoir une carte postale, une toile, une peinture, peu importe quel mot on utilise, un dessin, ben, t'as un espace tridimensionnel de possibilités dans lequel tu te promènes autour de la sculpture, tu regardes tous les morceaux, tous les détails, tu l'envisages différemment. Et je pense que aussi, ce que le jeu vidéo permet, c'est que parfois, il te donne une boîte à outils, c'est-à-dire que non seulement il donne une sculpture en trois dimensions que tu peux naviguer, mais il donne aussi de la glaise, puis de l'argile, puis du marbre, puis un maillet. Puis là, c'est à toi à aller créer qu'est-ce que tu as envie d'avoir là-dedans. C'est à toi à t'organiser avec ça pour en faire un tremplin qui te permet, comme joueur, de t'exprimer aussi artistiquement, politiquement, éthiquement. Puis ça, je trouve ça formidable. Ouais, puis la nouvelle génération, en fait, est grandie avec ce type de jeu-là. Fait que les modes d'interaction qu'on va avoir à l'avenir, tu sais, quand mon neveu va être plus vieux, qui dit « Ah, moi, je veux faire des jeux vidéo », quand lui va être rendu en fer, ça va être probablement très différent que ce qu'on a vécu dans les 20-30 dernières années. Mon fils est en train de faire son premier jeu vidéo. Il le fait sur Roblox. Tu connais ça, Roblox? Oui. T'as un neveu, hein? Parce que ça, c'est l'affaire que je dis aux gens à Roblox. Puis si les gens n'ont pas d'enfants autour d'eux, ils savent pas c'est quoi Roblox. Puis là, je leur dis « Ah, va lire là-dessus, parce que, écoute, c'est tout un monde, là. » C'est tout un monde, une plateforme, un écosystème, un média social, un répertoire de jeux vidéo créé par des gens, modifié par des gens, un studio de création, tout ça concentré dans une plateforme. Écoute, c'est l'avenir. Itch.io aussi. Itch.io, c'est un site sur lequel les gens vont se livrer à des actes créatifs, ils déposent leurs jeux, mais c'est pas une boutique, là. C'est vraiment, tu déposes tes projets, Puis on voit là toutes les possibilités là, d'expression que le jeu vidéo nous offre en dehors du circuit commercial. Une petite dernière question pour finir. Est-ce que Nintendo, c'est ton ami? excellente question. Ben, c'est ça, je pense. Non, Nintendo, c'est pas ton ami. C'est une corporation qui fait des jeux. Puis tu développes un rapport affectif avec eux en imaginant citoyen du monde, bienveillant, drôle, attachant, et ainsi de suite. Mais c'est une entreprise qui est là pour faire des produits, faire de l'argent et tout ça. Et la chose surtout, je pense, qu'il faut retenir, c'est que les consoles de jeux puis les plateformes de jeux ont cette fâcheuse tendance à nous embrigader. Parce qu'on investit dans une machine, on veut que la plateforme soit un résultat heureux, on veut qu'il y ait des développeurs de jeux qui y aillent, on veut qu'elle soit adoptée par plusieurs personnes pour qu'il y ait un écosystème valable. On veut pas se retrouver à avoir mis nos billes sur le lecteur de cassette bêta. Puis donc, on est pris avec une machine qui sert plus à rien. Fait qu'on a tendance à s'aligner sur les objectifs stratégiques de ces entreprises-là, puis de vouloir que ça réussisse, parce que c'est comme si on votait avec notre argent de façon très littérale. On met notre argent là-dedans, on veut que la machine y aille, on adhère à leur projet, on veut que la plateforme réussisse. Fait que c'est une conséquence très naturelle, même un peu pernicieuse, là, de finir par devenir attaché à ces plateformes-là, puis on s'en trahit finalement, tu sais, quand ils font quelque chose, alors qu'en réalité, ils sont là pour faire des décisions d'affaires, là. Dominique Arsenault, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation, Gabriel. Ça fut une discussion excellente.